Audiomatique. axée sur la musique de l'artiste équatorien Eduardo Zambrano, que s'ouvrait la transmission 148 d'Audiomatic. La pièce que nous avons entendue, à savoir El Fotografo de Utopias, se retrouve sur la compilation Balance de l'étiquette numérique Seyo Régional. La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Les ingrédients principaux sont le rythme, façon de combiner les sons dans le temps, la hauteur, combinaison dans les fréquences, les nuances et le timbre. On réduit souvent à tort la musique à une seule de ces écoles qui se définit dans une perspective de recherche esthétique, c'est-à-dire, comme l'écrivait le philosophe français Jean-Jacques Rousseau, l'art d'accommoder les sons de manière agréable à l'oreille. Nous convenons que la recherche de l'esthétique en musique est la plus répandue. Par contre, il serait malhonnête de ne parler que de cette facette de la musique lorsqu'on prétend vouloir présenter, comme nous le faisons, une émission à vocation musicale. C'est pourquoi, à Audiomatic, l'harmonie et la dissonance se côtoient sans ambiguïté et sans confrontation. De la composition à l'expérimentation, toutes les musiques ont leur place à Audiomatic, à condition, bien entendu, qu'elle ait au moins un élément emprunté au genre électronique. Audiomatique, nous terminions ce court segment musical avec le groupe écossais Found et la chanson Reshaping de leur deuxième album This Mess We Keep Reshaping, paru en 2007. Et pour débuter, il s'agissait du groupe Sherbrookeois, Mr. Valère, qui depuis l'année dernière se fait appeler simplement Valère et qui nous interprétait ici la pièce Shaving Part 1 tirée de leur album Friday Night. C'est maintenant en compagnie du projet Pie Corner Audio que se poursuit la transmission 148 d'Audiomatic. Quantum Computation. On terminait cette séquence musicale avec la formation Rational Youth et une de leurs plus récentes compositions, à savoir This Side of the Border, qui se trouve sur l'album Future Past Tense, paru en 2016. Avant Rational Youth, c'était le compositeur britannique Mike Ash qui nous offrait sa pièce Quantum Computation, qui paraît sur la compilation Various Objects 2, produite par l'étiquette de disque Bass Agenda Recordings. Et la séquence débutait avec le projet Pie Corner Audio et la pièce Autonomization, tirée de son album Stasis, sorti en 2016. Si vous n'êtes pas familier avec l'œuvre de la chanteuse belge Jeanne-Paul Marie Dekkers, eh bien peut-être que le projet Deru pourra remédier à la situation à l'instant à Audiomatique. Je voudrais être comme le vent, partout chantant. Je voudrais être comme le vent, partout dansant. Comme le vent te loue, Seigneur. Comme le vent. Je voudrais être un blanc nuage flânant au ciel. Je voudrais être un blanc nuage dans le soleil. Comme le nuage, je cherche, Seigneur. We'll be right back. Le collectif norvégien Jagged Jazzist nous offrait à Audiomatic leur composition 220 Volt Spectral de leur album One Armed Bandit. Nous avons aussi pu entendre lors de ce dernier bloc musical l'artiste montréalais Akido, mené par Kim Gaboury, et la pièce Neige de son album Blink. Et en début de séquence, le projet américain Deru, incarné par Benjamin Wynn, nous présentait les deux premières pièces de son album Say Goodbye to Useless, soit les pièces I Would Like et I Want, sur lesquels on peut entendre un échantillonnage de la chanson « Je voudrais » de la chanteuse belge Jeanne-Paul Marie Dekkers, qui se faisait plus communément appeler « Sœur Sourire » avant sa mort en 1985. Pour les curieux, « Je voudrais » est paru sur l'album numéro 2 de Sœur Sourire en 1963. C'est sur la musique du projet Intermix, dirigé par les artistes canadiens Bill Lieb et Rhys Fulber, que se conclura cette transmission d'Audiomatic de l'album Future Primitives, paru en 1995. Nous entendrons la pièce Seas of Harmony. Les électronistes ont une curiosité musicale envers les œuvres un peu à la manière des journalistes, qui rapportent les faits indépendamment de leur intérêt personnel. Ce qui compte pour nous, c'est de vous outiller adéquatement afin que vous puissiez découvrir le plus vaste répertoire possible de la musique électronique et non pas de vous présenter prétentieusement seulement ce que nous aimons. Nous faisons confiance à votre jugement et espérons simplement que votre appréciation n'est pas le seul vecteur de votre curiosité. Nous vous invitons donc mercredi prochain dès 17h à la transmission 149 d'Audiomatic, ou s'il ne vous est pas possible d'être attentif en direct, vous pouvez rattraper l'émission en différé grâce au lien que nous avons disséminé sur nos plateformes comme mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici donc Intermix et Seeds of Harmony, que ceux et celles qui savent apprécier l'art musical sous toutes ses formes, des plus expérimentales aux plus conventionnelles, soient les bienvenus lors de la prochaine transmission d'Audiomatic. D'ici là, bonne semaine!